Le quotidien péruvien Callao a fait parvenir un cadeau au maréchal Kim Jong-un. Abraham Ramirez Rituma, directeur et rédacteur en chef responsable du quotidien en visite en Corée, l'a transmis le 16 mai à un cadre coréen intéressé.